Exercice 7, page 152, Virlangue. Charles joue à chat chaque jour avec Jacques. Charles joue à chat chaque jour avec Jacques. Charles joue à chat chaque jour avec Jacques.